c'est le bleu de la lumière, timide et légère, bleu au reflet d'argent. Quelle couleur, mais quelle est la couleur de l'amour, cherche toujours. C'est le blanc des fleurs si douces qu'on met à la bouche et puis que l'on jette au loin. Le bleu de la mer. Je te